بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On a commencé aujourd'hui à un nouveau sujet dans la conférence New York. Et sujet ça, c'est le dernier sujet que nous avons abordé dans la série de conférences que nous avons commencé depuis année ça, donc ces derniers mois de l'année et ces dernières conférences que nous avons fait. Et dernier sujet, c'est à propos d'un sujet qui est toujours important, bien entendu, c'est à propos de la fraternité en islam, al-ukhuwa al-islamiyya, la fraternité islamique. Et donc nous parlons qui ça, qui signification fraternité en islam, et qui j'en savant yo expliquer sujet ça, et qui j'en yo aborde des questions, hein. Et son sujet qui vraiment important, et en particulier à notre époque, parce que en pile musulman yo éloigné de réelle compréhension signification fraternité, hein, et en particulier musulman qui en Haïti yo était supposé comprendre signification ça plus encore, parce que eh bien en pile nan haïtien yo gen on notion comme ça que yani c'est yo supposé uni pour yo gen force, hein, c'est même proverbe ou bien c'est pas proverbe mais c'est même propos que yo dit, qui yo écrit même sous drapeau, hein, l'union fait la force. Donc, son principe que nous t'es supposé comprendre nous-mêmes en tant que musulmans, parce que en réalité, force ça nous pas qu'à gagner, excepté si nous mettons en pratique l'islam, si nous appliquons l'islam. Mais si, par exemple, on a réuni ou a rassemblé sous un autre principe ou une autre croyance que l'islam, eh bien, son union qui pape solide. Son union qui pape solide et qui pape demeurer, qui pape continuer. Son bagage cap temporaire, hein, il peut durer un certain temps par rapport à une cause que yo gagne. Y a réuni pour un sujet ou pour une cause, et les causes n'ont fini, yo commence à diviser encore. Tandis que l'unité dans l'islam, et fraternité dans l'islam, eh bien, son fraternité qui est établie sous un principe qui est permanent, un principe qui est établi sous la foi. Et donc, la foi, tant que la foi a arrêté, eh bien, union a continué, unimunio, hein. Donc, premièrement, on a commencé par expliquer que, tout croyant, tout musulman, supposé aimer l'autre. Hein? Chaque croyant, supposé aimer l'autre. Et puis, il supposé comprendre que, en tant que croyant, c'est frère, yoye. Hein? Et c'est frère dans la religion, yoye. Et fraternité, ça, en réalité, son bagay qui rapproche nous d'Allah. On moun reme on l'autre moun pour Allah, son adoration liée, hein. Et donc les ou reme on moun pour Allah, hein, ou ap rapproche ou de Allah, parce que Allah azza wa jal li reme yani fraternité ça, et li reme relation ça entre croyants yo. Sauf que bien entendu gen condition et gen règle nan fraternité ça. C'est pas une fraternité qui yani ce temps qu'on parole que n'a dit avec bouche nous, hein, les n'a parlé avec l'autre frère, n'a dit c'est frère nouyé, hein, et nous relé yo frère, mais en réalité nous pas toujours à respecter droit qui relié à fraternité ça. Donc faut nous qu'on qui ça qui condition fraternité a, et qui j'en fraternité ça, car réellement en fraternité en Allah, hein, que Allah Azza wa Jal agréé et que l'a satisfait de fraternité ça. Et qui j'en a fait pour nous préserver fraternité a, pour le cas kembe, pour le cas rester solide. Allah Azza wa Jal li dit dans un verset dans Surat Al-Anfal, le verset 63, Wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum. Donc dans verset ça, Allah Azza wa Jal lui expliquait en réalité hein, par rapport aux croyants de yani, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et lui clarifier que Allah Azzawajal, c'est lui-même qui t'est réuni et rassemblé cœur sahabayo. Hein. Et pour qu'il ça le mentionne que lui réunit cœur ensemble, c'est parce que avant l'islam, t'es gain dans la ville de Médine deux tribus, hein, Al-Aws et la tribu de Aws et la tribu de Al-Khazraj. Et deux tribus, ça, ils ont toujours fait guerre, l'une contre l'autre, à bataille tout le temps, pour n'importe qui raison. Mais, les ils ont accepté l'islam, eh bien, Allah Azza wa Jal réunit que ils ensemble, et ils viennent en qu'une seule tribu. Hein? Yovin en seule tribu par la suite nous relayons Al-Ansar. Al-Ansar, c'est un musulman médinois qui t'a accepté l'islam. Avant, il était distingué deux tribus. Après ça, les yo accepté l'islam. Yani yovin considéré tant que c'est une seule tribu que yo, c'est-à-dire c'est yani croyant de Médine, yo relayons Al-Ansar. Donc Allah Azza wa Jal lit dans verset 1 dans 63, Surat Al-Anfal, et c'est lui-même qui réunit que nous, hein, lui réunit que nous, yo, par la foi, hein, par le tawhid, par l'islam. Et lui dit prophète là, Allah Azza wa Jal dit prophète là, même si vous t'êtes dépensé tout l'argent qui est sous terre pour qu'à réunir entre que yo, ou pas réussi, réunir entre que yo, mais c'est Allah Azza wa Jal qui réunit Kayo et c'est lui-même qui est puissant et qui est sage. Donc, c'est Allah Azza wa Jal qui fait en sorte que croyants yo réunis et que Kayo unis à cause de la foi. Et Abdullah ibn Mas'ud lui explique verset A, il dit Hum al-mutahabbuna fillah. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui remet en Allah. C'est-à-dire que yon remet l'autre dans tout ça qui a amené l'agrément d'Allah et dans tout ça que Allah Azza wa Jal remet. Donc yon remet l'autre pour Allah. Yon remet l'autre pour Allah. Et dans l'autre narration de explication verset A, il dit Nazalat fil mutahabbina fillah. Donc verset A, il est révélé à propos de croyant yo qui remet yon lot hein, pour Allah et dans l'agrément d'Allah. Et Abdullah ibn Abbas lui dit Inna rahim la tuqta' wa inna ni'ma la tukfar wa inna Allah idha qaraba bayn al-qulub lam yuzahzihha shay'un thumma qara'a law anfaqta ma fi al-ardi jami'an Ma allafta bayna qulubihim l'aya. Donc il dit yani ouais les liens de parenté moun ka coupé yo et grâce que Allah azza wa jal baynou li ka yo yani moun ka yani renié grâce yo et yo ka ingrat envers Allah azza wa jal. Mais lorsque Allah azza wa jal réunit en cœur croyant yo, pas gagne rien qui ka bousculer union que ça yo, parce que yo uni en Allah. Et c'est peut-être ça Allah Azza wa Jal li dit dans verset A, et Abdullah ibn Abbas li récite verset A, li di law anfaqta ma fil ardi jami'an, si ou te dépensé tout l'argent qui gagne sous terre pour ka unique que moun yo ou pas t'a réussi réuni yo, mais c'est Allah azza wa jal qui unit yo avec la foi. Donc l'union des cœurs, c'est une union qui établit sous la foi, hein, et croyant yo, union que yo gagne yon avec l'autre, c'est une union qui basée sous la foi. Et yani, nous vivons en époque qu'on en pile moun éprouvé, hein, par en faiblesse de la fraternité, et relation fraternelle islamique là livin faible. Livin faible, et l'amour à Allah vin faible tout. Puisque en pile moun les yogon relation avec un autre frère, avec un autre musulman, c'est uniquement pour intérêt dans la dunya, intérêt matériel. Et les li gon problème avec un autre frère ou un autre musulman, ou les on se gon problème avec un autre musulman, eh bien c'est pour question de dunya seulement. Donc les on moun remen pour dunya, et les détester ou bien le gon problème avec, c'est à propos de la dunya. Alors que salaf yo même, hein, sahaba yo, eh ben yo te kon reme yon lot pour Allah et pour religion. Le yo yon moun pieux, le yo yon moun kren Allah, le yo ek yon moun fe en pile bagay ki plaît à Allah et ki satisfait Allah, eh bien yo reme moun nan pour Allah. Et le yo yon moun ki désobéit à Allah ou bien ki contredit religion, qui contredit sunna, eh bien yo déteste moun nan pour ça les faits qui en contradiction avec religion. Donc ça veut dire que yo remè pour Allah et yo déteste pour Allah. C'est ça qui fondement relation fraternité en islam. Tandis que en pile moun, c'est intérêt poche yo wè seulement, les yo wè un moun gen l'argent, les gens moun yani gen en pile bien, en pile richesse, yo reme moun nan et yo gentil avec moun nan, et yo essaye rete avec moun sa, rapproche de moun nan, même si moun nan contredit l'islam, yo pas bay li nasiha, yo pas bay li conseil, yo pas ordonner le bien, yo pas interdire le mal, parce que c'est là l'intérêt matériel yo garder seulement. Et les yo wè par exemple que si on moun par exemple son bon musulman lié, mais li pa gen l'argent, li pa gen bien, li pa gen richesse, mais moun nan, hein, son moun ki pieux, ki remè la sunna, yo pa vali intérêt, yo pa vali importance, et yo pa essayé de rapprocher tête yo à moun sa, parce que yo pa gen aucun intérêt dans dunya avec moun nan. Et ça, son problème en réalité, là où moun agit comme ça, c'est signification que moun nan lui-même foi li tellement bas, foi qui tellement bas, qui tellement faible, li pas bay croyant importance, et li bay moun qui désobéit à Allah plus importance, parce que foi li faible. Allah al-musta'an. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Et gon hadith à ce sujet que prophète l'a te mentionné, li dit nan hadith nan, li dit man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Donc hadith ça, son hadith qui est très important, et prophète l'a dit nan hadith ça, quiconque aime pour Allah et déteste pour Allah et li bay pour Allah et il empêche pour Allah, c'est-à-dire il refuse un monde, il refuse le pour Allah, hein, et bien monde ça il compléter foi, hein, l'elle agit comme ça, il compléter foi lien. Et c'est ainsi que pas gain doute que dans fraternité islamique là, nous supposer mettre relation fraternelle islamique là au devant de liens de parenté que nous gagnons et relations fraternelles islamiques qui basées sur la foi, eh bien, sont liens qui supposaient plus fort passer relations que nous gagnons des liens de parenté ou liens de sang. Et la preuve à ce sujet, hein, clair en pile verset dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit par exemple dans verset 22 dans Surat Al-Mujadala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi l'akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulah ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وعليكم السلام ورحمة الله وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض donc Allah عز وجل il dit dans verset 22 dans surat al-mujadala où peuple joigne un peuple qui remet Allah et qui croit en Allah et qui croit en le jour dernier qui remet moun qui opposait Allah ak messager li même si moun sa yo qui opposait Allah c'est pas papa yo ou bien frère fils petit yo ou bien frère yo ou bien famille yo ça veut dire que depuis on moun hein ou est que moun nan li gen parents li gen petit lio li gen frère lio li gen famille lio qui en opposition avec Allah en opposition avec prophète là hein depuis que li ou est que moun nan li la contredit religion hein et que li opposé avec prophète là li opposé avec Allah Eh bien, il pas supposé, il pas qu'à aimer moun sa yo, même si c'est proche avec yo, même si yo proche avec lui, même si c'est famille, parce que moun yo, hein, yo opposé la foi, yo opposé la vérité, yo déclaré yo ennemi, hein, avec Allah et avec messager li, hein. Donc, nous supposé, hein, en opposition avec moun sa yo, nous pas aimer yo, même si c'est un parenté yo yé. Tandis que même si on moun ou un moun nan son étranger avec ou moun nan li pa gen aucune relation avec ou li pa nan même pays li pa sorti nan même pays avec ou li pa parle même langage avec ou li pa même couleur avec ou hein moun nan peut-être son moun ki sort Chine la Chine ou bien li sort par exemple Pakistan ou bien li sort en Indonésie ou bien li ka sorti nan n'importe quel autre pays Europe ou Afrique ou bien Amérique du Sud n'importe qui côté depuis que moun nan son croyant lié son musulman lié ses frères ou lié tandis que moun ki nan même ni sorti nan même vente avec ou ses frères ou lié de sang ou sœur ou que lié de sang et que moun nan son li opposé la foi li opposé la vérité Eh bien, moun sa, c'est pas frère ou lié. Vraiment, vrai frère ou, c'est un moun qui croit en Allah et qui croit dans l'islam. Et c'est peut-être ça, Allah Azza wa Jal l'y dit dans verset 71 dans Surat At-Tawba. Hein? Croyant, homme et femme, yo allié yun lot. Yun, c'est allié de lot que yo yé. Et l'y expliquer, gen en pile savant, yo expliquer principe ça. Nan clarification que yo bay de religion hein et yo clarifie que ou supposé aimer un croyant et ou supposé détester moun qui opposé la foi hein peu importe yani peu importe qui est moun sa yo ye et même si c'est moun qui proche avec ou si yo opposé la foi ou pas supposé aimer yo et si c'est moun qui croyant même si yo pas gen aucune relation avec ou par rapport à famille ou bien relation par rapport à nationalité ou bien citoyenneté ou bien couleur ou bien langue ou bien géographie peu importe depuis que yo croyant ses frères ou yo yé yo supposé aimer yo et ou supposé supporter yo L'imam Ibn Rajab, Al-Hambali, yon un savant, un grand savant, yo, yo li expliqué dans yon un livre, li yo, que il dit, min tamami mahabbatillah, wa mahabbati ma yuhibbu, wa karahatu ma yakrahuhu. فمن أحب شيئا مما كرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولم يكمل لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وَمَا أَحَبَّهُ مِمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهِ. Donc, qui ça le dit? L'imam Ibn Rajab lui expliquait que yani, l'amour d'Allah, là où dit que vous aimez Allah, eh bien, vous supposez aimer tout ça Allah aimé. Et vous supposez détester tout ça Allah détesté. Et il dit, si vous joignez dans vous-même que ou remet en bagaille que Allah détesté dans cœur hein ou remet en bagaille que Allah détesté ou bien ou détester en bagaille que Allah remet eh bien signification ça c'est que il signifie que tawhid ouan li pas complet et sincérité ou li pas complet dans signification de ça qui signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire que signification de la ilaha illallah, l'époque complète en cœur, parce que ou pas compléter réalité signification témoignage là. Parce que là où dit la ilaha illallah, eh bien ça signifie que ou supposé aimer tout ça Allah aimé et ou supposé détester tout ça Allah détesté. Donc tout ça qui en accord avec le Coran et en accord avec le Sunna, ou supposé Remel, et tout ça qui est en contradiction avec le Coran ou en contradiction avec le Hadith ou avec le Sunna, ou supposé détester. Et si nous joignons que dans le cœur ou un bagaille que Allah remé ou déteste, ou bien un bagaille que Allah déteste ou Remel, eh bien ça veut dire que gon défaillance dans Tawhid ou et qu'on défaillance et qu'on problème dans sincérité ou et dans compréhension de la ilaha illallah et ça signifie que qu'on forme de shirk en ou même hein et son forme de shirk parfois qui caché il faut travailler sous les pour ou purifier cœur de shirk ça parce que ou supposer yani joindre que dans cœur ou aimer tout ça Allah aimer et ou détester tout ça Allah détester et grand pile savant qui élaboré sous principe ça et son c'est ça qui est à la base de signification fraternité islamique là les on nous dit que son croyant lié kounya savant yo mentionné que les moun être humain yo gen personnalité chaque être humain gon personnalité chaque être humain gon comportement chaque être humain gon attitude et nous ka jwenn on bagay nan nature humaine nan c'est que en général les deux personnes gen tempérament qui semblable eh bien, ils ont approché l'un de l'autre. Hein? Parce qu'il y a un grand proverbe que nous dit, même en français, nous dit, qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, ça, c'est pas quelque chose qui est loin de la réalité, parce que le prophète là lui-même, il a clarifié, et il y a un hadith qui rapportait concernant Sahih al-Bukhari, et qui dit que, al-arwahu junudun mujannada. فَمَا تَعَرَفَ مِنْهَا تَلَفْ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفْ. C'est-à-dire que Amyo, c'est un coup régiment, hein, un coup régiment de armée que yoye. C'est régiment armé yoye, et ça am qui te con qui reconnaît tête yo que les on am reconnaît on l'autre et l'el gain tempérament ou caractéristique qui semblable yo reconnaît tête yo rassemble ensemble et les yo est que yo divergent ou bien yo différent yo éloigné l'une de l'autre yo divergé l'une de l'autre donc ça sont réalité hein même c'est-à-dire que même avant que nous t'ai créé c'est-à-dire am nou yo t'ai existé avant corps nou yo et les am yo t'ai ensemble yo t'ai kon rassemblé ça am yo qui t'ai semblable yo t'ai kon rassemblé et am yo qui t'ai différente yo t'ai kon éloigné tant kou régiment am tant kou am qui t'ai nan régiment tant kou nan l'armée hein et les yo rivé sur la terre Le Allah Azza wa Jal mette yon an encore, yon rive nan sou terre, eh bien, sa ki te kon reconnaître tête yon avant yon vin nan moun sa, eh bien, yon rassemble ensemble, yon reme yon l'autre. Et sa ki te divergent, eh bien, yon chacune a éloigné de l'autre, parce que yon pas pareil, yon différent. Et ça grand pile savant qui clarifie bay ça et signification ça donc l'imam al-Barawi li dit à propos de hadith ça li dit fi al-hadith bayan an al-arwah khuliqat qabla al-ajsad wa annaha makhluqatun 'ala al-i'tilaf wa al-ikhtilaf kal-junud al-mujannada idha taqabalat tawajahat wa dhalika 'ala ma ja'alahu Allah عليه من السعادة والشقاوة ثم الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتتألف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتناكر في بدء الخلق donc ça c'est la même signification que ça me mentionné et c'est en réalité que nous toutes comprendre Et grand verset dans le Coran, Allah Azza wa Jal lui expliquait que l'amour en Allah, son grâce, que Allah baille croyant yo, à cause de piété yo, à cause de foi yo, et bon action que yo fait. Et Allah Azza wa Jal lui dit dans verset 96 dans Surat Maryam, Inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahum ar-Rahman wudda. C'est-à-dire, ceux qui ont cru en Allah, qui croient en Allah et qui fait bon action, Allah Azza wa Jal pral bay yo wudda, c'est-à-dire li pral mette l'amour dans cœur yo. Yo pral reme, yo pral reme l'autre pour Allah. Et li mentionne tafsir Ibn Kathir, yo mentionne tafsir Ibn Kathir à propos de verset ça qui ça le dit, yukhbiru ta'ala annahu yaghrisu في لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده محبة ومودة وهذا أمر لا بد منه ولا محيض عنه وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول fil ard al hadith donc à propos de hadith à propos de verset 96 dans sourate Maryam Allah azza wa jal donc il clarifie que li pral planter dans cœur croyant yo qui fait bon action et qui agit bien li pral mettre dans cœur yo l'amour hein yo pral remer yon lot parce que il a fait action qui en accord avec Allah Azza wa Jal ça l'était révélé dans sharia ça l'était révélé dans Coran et dans sunna donc action que Allah Azza wa Jal remet yo les croyants yo fait action ça yo et bien il mettait l'amour dans que croyant yo hein et puis yo reme yon lot a koz de fwa yo, a koz de aksyon yo. E sa son bagay ki obligatwa, ki yon, c'est-à-dire ke depi ke kwayan yo ap fe bon aksyon, e ke yo gen fwa sincer, eh bien, yo reme yon lot, e yo pa gen chwa. Parce que son bagay, Allah Azza wa Jal mette nan kè yo. E li explique verset sa avec un hadith ki rapporté selon Abi Huraira. Et hadith lan li même li rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc son hadith authentique. Et hadith lan li même li mentionné que le Allah remet un homme, li di à Jibril, hein, moi-même, je remet moun sa. Donc, faut remet le tout. Donc, Jibril a commencé à remet moun sa parce que Allah remet. Et puis, Jibril a appelé, l'a appelé dans tout habitant qui est dans le ciel là, tout angeau. Puis, il dit l'autre angeau, Allah Azza wa Jal remet moun sa, faut nous remet le tout. Et donc, tout habitant qui est dans le ciel là, ils ont tout commencé à remet moun nan à cause que Allah Azza wa Jal remet. Et puis, Allah Azza wa Jal ensuite, yo limite l'acceptation dans le cœur tout être humain, tout le monde qui est sous terre pour moun sa. Donc, ça sont résultats de l'on moun gen la foi et l'on moun a agi bien et qu'il fait bon action. Eh bien, Allah Azza wa Jal mette hein, l'amour dans le cœur tout le monde pour moun sa. Donc ça son bagage qui est important pour nous comprendre c'est fondement fraternité islamique là. Et c'est peut-être ça Allah Azza wa Jal lui expliquer que c'est lui-même qui mettait l'amour et l'union entre cœur croyant yo. Hein? Parce que yo gen en pile yo tout gen en ressemblance. Hein, yo tout semblé, yon semblé l'autre à cause de bonté que yo gagne, à cause de piété que yo gagne, hein, et donc Allah réunit que yo. Et c'est peut-être ça, il dit wa allafa bayna qulubihim. Hein, donc li rassemblé que yo, li réunit que yo. Et Allah Azza wa Jal, hein, li mentionné également. Donc, à propos de croyant yo, que c'est lui-même, même Jean nous t'a dit que c'est lui-même qui réunit que croyant yo, et c'est comme ça que Allah Azza wa Jal décrit compagnon prophète là. Hein? Il décrit dans verset 29 dans Surat al-Fath, il décrit Sahaba yo, il dit Ashidda'u ala al-kuffar. Rohama'u bainahum. C'est-à-dire que l'el décrit croyant yo, sahaba yo, li décrit yo et li dit yo dieu avec koufa yo et yo miséricordieux entre yo même. Donc croyant yo supposé miséricordieux yon avec l'autre et yo supposé gen miséricorde entre yo même. Ça son caractéristique entre croyant yo. Et gon l'autre verset tout dans surat Al-Maïda, hein, Allah Azza wa Jal li dit man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'ala al-mu'minin 'izzatin 'ala al-kafirin. Hein, c'est-à-dire que li dit li décrit croyant yo, li dit yo humble avec croyant yo et yo fier et yo puissant avec kuffar yo. Donc ça c'est caractéristique croyant yo avec l'autre, yo pas agi avec arrogance, yo pas agi avec fierté, orgueil, hein. Croyant yo humble yo avec l'autre, yo agi avec humilité, avec modestie. Ensuite gon l'autre exemple que Allah Azza wa Jal t'a mentionné à propos de croyant yo, dans Surat al-Hashar, le verset 9, li glorifié al-Ansar, habitant de Médine yo qui t'a accepté l'islam, et il mentionnait l'amour que yo te gagné pour muhajirin yo hein moun qui te vin qui te sort musulman yo qui te quitté Makkah pour yo vin habiter à Médine avec prophète là sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jal décrit en verset ça li dit walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون donc il décrit Ansar yo qui était habité Médine qui était accepté la foi et il dit yani que yo remé moun ki émigré la kayo hein moun ki vin habiter la kayo et yo pa senti yo pa gen nan kè yo aucune gêne yani pour ça que pour ça yo te gen pour ça yo gen c'est-à-dire que si parmi muhajirin yo gen ki vini yo gen l'argent ou bien yo gen bagay ki yo gen richesse avec yo yo pas senti en yo même aucune jalousie de ça et ça qui vini qui pas rien eh bien yo gen générosité avec yo et même que si yo même yo dans yo en difficulté par exemple que habitant ansar yo des fois yo pas de gen pile manger mais ça yo gen yo préféré bay ça yo gen à muhajirin yo pour yo manger que yo que yo ka manger pour yo même c'est-à-dire que yo bay priorité à muhajirin yo sou propre tête yo hein c'est-à-dire que si yo gon bagay pour yo manger yo préféré bay manger à muhajirin pour yo ka gen bagay pour yo manger et puis yo même yo privé tête yo parce que yo besoin honorer hein disons muhajirin yo et yo préf yo remé yo en pile et yo ba yo en priorité sous propre tête yo c'est-à-dire yo préfère muhajirin yo à propre tête yo ça sont exemple qui montrent nous qui gens yani croyant yo agir yo avec l'autre yo pas gain cupidité hein yo pas gain avarice yo pas chiche yo avec l'autre hein au contraire yo partager tout ça yo gain et même que yo ka même sacrifier propre bien yo pour yo ka bay yani muhajirin yo tellement que yo remet l'autre hein donc ça c'est parmi verset yo qui établit relation fraternelle en islam et gens croyants supposés agir yon envers l'autre hein et que yo pas supposé gain rancune hein yani yon pas supposé gain rancune nan cœur li pour l'autre croyant et yo supposé ressenti que yo gain un cœur qui est en paix vis-à-vis de l'autre. Et Allah Azza wa Jal li mentionné réalité fraternité islamique là et c'est que si par exemple dans la dunya ou est que grand pile moun yo gen relation dans la dunya et yo ka par exemple gen lien d'amitié entre yo même mais si amitié ça li pat pour Allah et bien au jour de la résurrection amitié ça a transformé en haine hein et moun ki te zanmi nan dounia mais que yo pa zanmi pour Allah le y a privé devant Allah au jugement dernier yo pral détester youn ap détester l'autre et youn ap ennemi de l'autre pour ki ça parce que yo pa encourager youn yo pa encourager tête yo nan l'obéissance d'Allah et nan la piété hein yo te encourager tête yo nan péché nan désobéissance d'Allah. Et peut-être ça que les yo rive au jugement dernier, yo n'a blâmé l'autre, yo n'a accusé l'autre, hein, et yo n'a pral dit les yo pral wè l'enfer, yo pral wè châtiment. Yo n'a pral dit c'est à cause de ou même hein, si me parle en enfer, parce que c'est ou même qui t'es encouragé pour me désobéir à Allah ou pour me pas croire en Allah. Et l'autre lui-même l'a répondu et l'a insulté mon entour et l'a dit non, c'est pas faute moi, c'est ou même qui t'es encouragé dans le péché tout, et c'est ou même qui t'es dit ça, qui t'es fait ça. Et Allah Azza wa Jalla lui mentionne situation ça dans verset 67 dans sourate Az-Zukhruf. Là il décrit une relation d'amitié entre les hommes, il dit al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. C'est-à-dire que moun ki te bons amis nan dunya, hein, au jugement dernier, yo pral vini ennemi yon de l'autre ap vini ennemi. Excepté al-muttaqin, excepté moun ki te kon fè bon action et ki te kwen an Allah et ki te evite péché yo, eh bien, yani moun sa yo même il a continué dans amitié yo. Pour qui ça? Parce que amitié yo t'est basé sur la foi, amitié yo t'est basé sur la piété, et yo t'est qu'on encourager, yo t'est qu'on encourager l'autre dans l'obéissance d'Allah et dans le bien et dans la salat et dans les bonnes œuvres et dans la récitation du Coran, hein, et dans la sunna. Et à cause de ça, les y a privé au jugement dernier, eh bien, y a remé yon lot et y a content, hein, que yote remé dans Allah et que yote qu'une fraternité islamique réelle. Et c'est peut-être ça même que prophète là lui-même l'y mentionné que l'y dit, yani prophète là c'est rapporté dans un hadith rapporté par l'imam muslim. Il dit, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Donc Abu Huraira l'imam رضي الله عنه lui dit que messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit que au jour de la résurrection Allah pral mandé ou li pral di côté moun ki te kon remé yon lot pour majesté moi et pour yani qui est-ce qui côté moun yo ki te kon remé yon lot en moi-même, hein, en majesté moi, et bien jodi a m'a couvri yo, hein, avec zombe moi, yani c'est-à-dire que ce jour-là, hein, au jour de la résurrection, pas gen ombre. Il y a des gens qui ont brûlé dans le soleil. Au jour de la résurrection, les gens ont brûlé dans le soleil. Pas de ombre, pas de ombrage, excepté l'ombre que Allah Azza wa Jal pourra couvrir, croyant avec lui. Et donc, les gens qui te connaissent, mais ils ont l'autre en Allah, ils ont même profité de l'ombrage ça et ils ont capable de joindre l'ombre. Tandis que, moun ki pat gen karakteristik sa, eh bien, yo pa joine, y a brûlé dans le soleil. Et Abu Huraira radiyallahu anhu te mentionné ça dans l'autre hadith tout, et dans hadith ça, il mentionné sept catégories de moun kap joine ombrage au jugement dernier, et li mentionné que parmi sept catégories de moun sa yo, pral gen catégorie de moun ki te remé pour Allah. Et là, yo rassemblé, mais là, yo rencontré dans l'agrément d'Allah, et là, yo séparé dans l'agrément d'Allah. Hein? Donc, c'est peut-être ça, Allah Azza wa Jal, au jugement dernier, l'a récompensé Mounsayo, hein, l'a récompensé Mounsayo avec ombrage, l'a couvri, hein, pour yo pas brûler dans le soleil pendant la journée. Ça, parce que son jour, qui pourra durer 50 000 ans. Hein? Jugement dernier, son jour qui pourra durer 50 000 ans. Et mon aptant jugement, chaque être humain a jugé. Donc son jour qui a duré longtemps. Et tout l'autre monde a brûlé dans le soleil. Et cette catégorie de monde, ça, yo même, yo pourra joindre ombrage. Hein? Donc, ça sont, on l'autre, n'en bien fait. Amitié et fraternité islamique là qui est basé sur la foi. Naam. Et ensuite, gain en pile également en pile enseignement que le prophète l'a expliqué nous dans le hadith, il a clarifié yani, en pile point au sujet de la fraternité. Et puis, il mentionne nous également en pile point que, qui en contradiction avec fraternité. Hein, et que qui bagaille, qui y a ni bagaille que si nous faisons, nous qu'a détruit fraternité. Hein. Et parmi principes ça yo, ou parmi éléments ça yo, nous pourrions mentionner un hadith qui mentionné en pile point dans le sujet ça. Et c'est le hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, et c'est l'imam muslim qui mentionnait hadith ça. لذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم بيع على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Donc hadith ça, son hadith qui est vraiment important, Abu Huraira radiallahu anhu lui mentionné que messager sallallahu alayhi wa sallam mentionné que il dit la tahasadu, c'est-à-dire nous pas supposer gain jalousie l'un pour l'autre, et wala tanajashu, yani nous pas supposer faire en chair là on n'a pas acheté hein on bagaille, et puis ou même ou venir pour ou venir faire monter prix pour monde et ou pas gain intention pour acheter hein marchandise là, ou juste besoin fait prix à monter pour monde payer plus cher. Donc, on pas supposé faire ça. Et voilà tabaradou, c'est-à-dire nous pas supposé une raï, une pas supposé raï l'autre. Voilà tadabaru, hein, une pas supposé tourner doli à un autre musulman, hein, un musulman pas supposé tourner dol à un autre musulman. Voilà yabi'u ba'dukum 'ala bay'i ba'd, c'est-à-dire là où on là où contracter ou faire un contrat avec un musulman pour acheter un bagage dans main li hein et que moun a accepté prix que le mandé a hein ou que ou proposer li il a accepté prix a ou vinn conclu vente là et qu'on y a un l'autre monde qui vini un l'autre musulman qui rivé et puis il dit oh combien le mandé pour bail ça hein moi-même m'a beau le double ou bien m'a beau plus mais vendre pas vendre l'île pas vendre l'île vendre moins l'île moi-même m'a pas acheté hein donc ou vienne yani acheter marchandise que mon n'a t'a mis d'accord il était déjà entendu avec mon n'a pour que les pour les acheter dans main li et qu'on ou vienne faire on vente sous tête li et ou vin acheter bagay là alors que moun nan t'est déjà mettel d'accord avec moun nan pour l'acheter, donc ça son bagay qui pas correct hein. Et il dit ensuite wa kunu ibadallah ikhwana, yani faut nous agir tant coup frère hein en Allah. Et Allah azza wa jalla li mentionné dans sourate al-hujurat dans verset il dit innamal mu'minuna ikhwa, yani les croyants c'est frères yo hein, les frères croyants ne sont que des frères. Donc à la dans l'islam croyants c'est frères yo, c'est frères yo hein, et koufa yo c'est pas frères hein, tout chrétien juif mouchrikin c'est pas frères nous yo, c'est koufar hein, frères nous yo c'est musulmans seulement hein, kunu ibadallah ikhwana, c'est pas même gens avec francs-maçons yo hein. Gain par exemple gain dans musulman gen musulman ki panse ke franc-maçon se frè yo ye. Non, nou men musulman nou pa gen dwa franc-maçon. Hein? Parce que franc-maçon yo base e fraternite yo sou kofre. Hein? Et sous le shirk, yo pa reme pour Allah, yo pa deteste pour Allah, c'est pour la dunya. Donc ça, son fraternité qui faux, son fraternité qui batil. Tandis que musulman, yo kwen en Allah, yo kwen en Coran, yo kwen en Sunna, yo kwen en Tawhid, hein? Et yo reme pour Allah. Hein? Donc un musulman pa gen droit entrer dans la franc-maçonnerie, et il pa gen droit franc-maçon. Hein? S'il était franc-maçon avant l'islam, il est supposé quitter Mounsayo. Il est supposé rester, yani participer. Il n'est pas supposé continuer à participer avec Mounsayo. Parce que Mounsayo, il n'y a pas croyant en Allah, il n'y a pas croyant en Coran, il n'y a pas croyant en Sunna, hein? Et il n'y a pas croyant en Tawhid. Donc, ça, c'est un bagage très important. La fraternité en islam, son fraternité qui pas qu'à partager avec l'autre fraternité. Fraternité islamique, là, son fraternité qui, hein, qui unique. Vous pas rien doit partager là avec l'autre bagaille. Hein? C'est avec Allah Azzawajal. Ensuite, il dit, le musulman, c'est le frère du musulman. Al-Muslim, Akhul Muslim. Musulman, c'est frère musulman lié. La yazlimo, li pa fè injustice avec li. Wala yakhzulu, li pa fè trahison avec li. Li pa abandonne l, lèl bezwen aide li. Wala yakzibo, et li pa menti, hein? Li pa bay li menti. Wala yahqiru, et li pa méprise l, hein? Li pa méprise l, li pa dénigre l. At-taqwa hauna. Le prophète là lui-même lui dit, la piété c'est l'allié. Et il pointait dans poitrine lui 3 fois. En voulant dire que la base de la foi, la base de la piété, at-taqwa, le fait de se préserver d'Allah et de son châtiment, c'est dans le cœur lié en premier. Ensuite il dit, bihasb imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim. Les mentionner que yani, c'est son bagage tellement laid que il est suffisant pour un musulman pour gain mépris pour frère. Hein? Un musulman gain mépris pour frère qui musulman, ça c'est suffisant comme mal pour lui, tellement bailant laid. Hein? Il est suffisant comme mal, il n'a pas besoin de l'autre péché avec ça, tellement bailant grave. Donc un musulman pas qu'il doit mépriser l'autre musulman. Et il dit tout ça qui fait partie du musulman, les sacrés pour l'autre musulman. Hein? C'est-à-dire, damuhu, wa maluhu, wa irduhu. C'est-à-dire, sang, hein, les sacrés. Bien, les sacrés. Honneur, les sacrés. Donc, ça veut dire qu'un musulman, tout un musulman haram, tout ça qui appartient à un musulman, c'est un bagage qui est considéré sacré pour l'autre musulman. Un musulman pas gain droit toucher elle, hein, il pas gain droit toucher elle, il pas gain droit, hein, yani vin désacraliser lui, ou bien il pas gain droit vin usurper lui, ou bien il pas gain droit vin prendre la main, hein. Donc si c'est vil ou pas gain droit, si c'est sang ou pas gain droit faire couler. Donc ça implique que ou pas gain droit tuer et ou pas gain droit frapper ou pas gain droit faire mal, hein. Donc ça c'est parce que musulman il est sacré. Al muslimun man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Prophète là il dit dans l'autre hadith, le un vrai musulman, hein, c'est un monde que ou en sécurité avec lui, hein? Ou en sécurité avec lui, ou en sécurité de main li, et ou en sécurité de langue li. C'est-à-dire que li pa fò mal, li pa fò aucune injustice, aucun mal avec main, et les papes font injustice ou ont mal avec l'anglais. Al muslimun man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ou pas besoin de paix, moun nan. Ou pas besoin de paix, ni nan l'anglais, ni nan men li. Hein? Men li pa frappe ou li pa vin tue ou li pa vin pran bien sa ki appartenu à ou. Hein? Tout bien ou li pa vin touche sa ki pou ou. Et honneur ou li pa vin atteint li. Hein? Et la respecte ou. Donc ça son musulman, Jean li supposé agir avec l'autre musulman. Ça c'est bagay ki sacré. Donc si nous analyser hadith ça, nous en pile enseignement qui très important. Déjà prophète l'a commencé, il dit wala tahasadu. Parce que nous pas supposé jaloux. Yon pas supposé gen jalousie par rapport à l'autre. Hein? Et prophète là lui-même l'a mentionné dans l'autre hadith, il dit al-hasad. Hein, iyakum al-hasad fa inna al-hasad ya'kul al-hasanat kama ta'kul an-nar al-hatab. Il dit la jalousie, faites attention, hein, prenez garde à la jalousie parce que la jalousie li brûler, li consommer bonne action que nous fait, même Jean feu a brûlé bois, hein. Donc même Jean on feu a brûlé le bois. Eh bien, c'est même gens avec ça, même gens, les ou fait bon action. Mais si vous avez jalousie pour l'autre monde, pour l'autre musulman, eh bien, ça, l'a brûlé, l'a consommé toute hasanatouyo, et hasanatouyo a brûlé même gens avec, même gens le fait brûler le bois. Donc, on a perdu toute bonne action ou yo, à cause de jalousie que vous avez en cœur pour l'autre musulman. Parce que la jalousie, hein, c'est un bagage qui est grave. Hein? C'est là où souhaiter, hein, là où souhaiter que on grâce que Allah te baille en l'autre monde, que Allah retire grâce là pour lui, pour le bas ou grâce là. C'est-à-dire que ou jaloux pour ça Allah te baille en l'autre monde. Hein? Et là on monde gain jalousie comme ça. En réalité, c'est parce que moun nan li pa gain conviction, hein, li pa gain foi en prédestination d'Allah, parce que nous-mêmes musulmans nous connaissons que Allah Azza wa Jal c'est lui-même qui prédestinait la subsistance pour chaque monde. Et ça Allah Azza wa Jal t'a écrit pour ou pour le joindre lui. Hein? Et ça c'est lui-même qui déterminait qui est-ce qui pourra le joindre, qui pourra le joindre, qui ça le pourra le gagner. Et qui ça il peut recevoir par comme subsistance, Allah Azza wa Jalla c'est lui-même qui écrit, hein, toute subsistance pour chaque créature. Et c'est lui-même qui décide s'il a baille plus à youn et si il pas veut plus baille même gens égal même ça que le te baille en monde, il pas veut baille même quantité à l'autre monde, c'est lui-même qui décide avec sagesse lui, parce que Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé, hein, être humain yo, avec yani subsistance que li distribué à créature yo. Donc si Allah Azza wa Jal baye on l'autre monde plus passé, hein, c'est parce que li gon sagesse là-dedans et c'est lui même qui décidé à qui est la baye et ou pas gain droit objecter à ça Allah Azza wa Jal décrété non prédestination li. Donc si on moun gen jalousie pour l'autre monde, c'est comme si l'a objecté à sa Allah Azza wa Jalla t'est prédestiné dans sa l'té bay moun yo avec nan subsistance. Et ça son bagay ki, hein, qui pa ka, c'est-à-dire que on moun ki croyant, li pa ka gen jalousie nan kel pour l'autre musulman ou pour l'autre moun, puisque li gen conviction dans quel que tout ça Allah bay on moun c'était parce que il était prédestiné yani subsistance ça pour lui et que le gon bien, hein, le gon sagesse dans ça et que ça Allah azza wa jal bay on moun son épreuve liée pour lui et que des fois même si Allah pa ba on bagay, hein, Eh bien, c'est parce que peut-être que bagay ça, s'il te baou li, li pa tap bon pou ou. Hein? Des fois, ou un monde qui a pile richesse, ou pensez que son bien pour lui, mais richesse ça pour de vrai, son épreuve liée pour moun nan, et puis à cause de richesse ça, ou est que moun nan commence à venir égaré. Hein? Tandis que l'autre monde, Allah te pas Allah pas de bail en pile mais il était préservé de en pile bagage qui mauvais en pile bagage qui pas bon à cause de yani épreuve que il était besoin bail et il était besoin préserver il était besoin protéger de en pile tentation ou en pile péché donc il restreint les limiter nan subsistance ke li bay li, hein, pou son bien, pou bien moun nan. E le profet la di, wala tana jeshu, hein, wala tana jeshu, hein, le moun ap fè an chè, par exemple, on moun ap achete yon bagay, e on lot moun ap bay yon lot pri, e se moun ki bay pi gro pri a, se li menm ki emporte marchandise la, hein, ça nous relève en français enchère, hein, eh bien, gen moun, des fois, yo pa gen intention pour yo acheter marchandise là, mais c'est juste parce que yo besoin fait prix à monter. Alors, yo juste bayon prix qui plus élevé, pas parce que yo besoin acheter bay là, c'est parce que yo besoin empêcher moun nan pour ou bien yo besoin fait prix à monter. Donc, yo gen doit faire une entente avec moun kap vann marchandises là pour le grand plus gros un plus gros prix hein, par exemple donc les proposer un prix puis que yo que pas gain monde qui intéressé eh bien moun nan lui-même l'a fait prix à monter pour que moun nan vende marchandises là avec un prix qui plus haut donc son genre de ruse et ruse ça yo pas permis en islam voilà tabaradou. Nous pas supposé railler l'autre, un musulman pas supposé railler frère. Mais à notre époque, nous voyons qu'un pile musulman gain haine pour l'autre musulman, hein. Et une raison ça yo, eh bien parfois c'est haine qui justifiée, parfois c'est haine qui pas justifiée. Et qui ça signifiait? Hein, les nab dit que gain haine qui justifie gain haine qui pas justifié c'est les par exemple un musulman raillon l'autre musulman à cause de bagaille de dunia hein, ou à cause de jalousie donc ça c'est pas justifié parce que c'est bagaille qui haram pas supposé jaloux pas supposé envier l'autre monde hein, parce que son croyant ouyé mais en même temps gain parfois situation où gain par exemple bid'a que mon a fait gain secte que mon a suivre gain égarement que mon a inventé et les un musulman a commencé innover dans religion eh bien ça c'est normal que les pral créer haine hein entre croyants parce que innova c'est résultat innovation yo c'est résultat bid'a yo. Les moun ap commencé à inventer bagay nan religion, li créé division entre musulmans yo. Et division ça, hein, li justifié parce que ou pas ka remé on moun kap innover nan religion, ou pas ka remé on moun kap inventer bagay nan religion et puis kap diviser croyants yo. Hein? Donc ça c'est une en cause qui fait que musulmans raille une lot mais solution problème ça c'est pour yo tout revenir yo tout vin yo tout tourner à sunna yo tout abandonner bid'a pour yo retourner à la sunna pour yo unir encore hein parce que tant que gen musulman cap innover cap fait bid'a dans religion yo pas jamais capable unir hein et yo pas jamais capable remer une lot comme il faut. Et bien entendu, yani, même si, par exemple, un musulman qui fait innovation et que ou pral ray innovation, hein, hein, et puis ou pral rayi innovateur parce que l'a innové, l'a fait bid'a dans religion, mais tant que moun nan pas sorti de l'islam ou pas détester moun nan même gens avec on mécréant, hein. Et c'est même bagaille là avec un musulman, les l'a fait péché. C'est normal que un musulman qui a fait péché ou pas remet le même genre avec un musulman qui pieux, qui obéissant, hein, ou pas le détester le pour péché que l'a fait, mais ou pas détester le même genre avec un mécréant qui pas croit du tout en l'islam, qui pas croit du tout en Allah. Donc ça veut dire que gain degré dans l'amour, gain degré dans la haine entre croyants yo. Hein? Et plus on musulman croyant, plus que les pieux, plus que vous supposez remel, plus que les gain attachement avec sunna, plus que vous supposez remel. Et plus on musulman fait péché, ou bien un musulman fait bid'a ou innovation, plus vous supposez raïl, même si vous remel pour base islam que le gain dans quel et que la pratiquer, mais ou quand même ou gain ou amour pour musulman ça qui diminue à cause de péché que l'a fait yo, ou bien à cause de innovation que l'a pratiqué qui vient en contradiction avec l'islam. Et ça c'est même bagaille les prophètes l'a dit voilà tadabaru, hein, que nous pas yon pas supposé tourner dol dans l'autre musulman. Donc ça son principe dans l'islam que prophète l'a dit la yahjuru muslimun akhahu fawqa thalath yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma الذي يبدا بالسلام. Prophète là sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que et c'est Abu Ayyub Al-Ansari qui rapporte hadith là, il dit que les un musulman en conflit avec un autre musulman, il pas gain droit écarter le de musulman ou éviter musulman plus que 3 jours. Hein, parce que sinon, hein, par exemple les yo gon dispute et que yo fâché yon avec l'autre, hein, les yon a rencontré l'autre, la lui même l'a tourné tête li et l'autre a tourné tête li, yo pas voulu garder l'autre, yo pas voulu saluer yon, pas voulu saluer l'autre. Prophète l'a dit pi bon nan deux moun yo, c'est lui même qui c'est premier à qui bay salam nan. Donc premier qui bail salam nan dans deux moun yo qui en dispute, c'est lui-même qui pi bon. OK? Donc c'est ça qui pral en premier saluer l'autre là. Ça saluer l'autre là. Ça c'est les yo gon dispute à propos d'un problème qui concernait bagay dunia. D'accord? Donc les yo gon conflit ensemble par rapport à une question de la dunia. Mais si son l'autre question qui concernait religion et qui en accord avec qui relie avec croyance ou bien qui relie avec un bid'a ou un bagage comme ça, eh bien ou gain droit boycotter moun nan ou bien écarter ou de moun nan pour une durée indéterminée jusqu'à ce que moun nan abandonne bid'a que l'a fait, hein. Parce que ça c'est que ça son principe que nous relais al-hajr, et c'est là un musulman a boycotté ou a écarté le dans l'autre musulman. Donc si c'est pour une question dunia, le pagain doit dépasser 3 jours. Mais si c'est pour une question religieuse par rapport à la bid'a ou par rapport à un bagage qui un péché, eh bien moun nan gen droit écarté le de musulman pour une durée indéterminée jusqu'à ce que Mouna revienne à la sunna ou revienne à l'obéissance d'Allah. D'accord? Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Léon Mouna a fait un contrat avec un autre monde pour l'acheter un bagay dans mel et puis Mouna a accepté contrat conclu. ou pas qu'elle doit venir pour offrir un autre prix pour y en a venir briser contrat qui était déjà conclu et puis ou acheter Binance non y en a par-dessus frère hein parce que frère était déjà contracté avec Mounan, il était déjà metté d'accord avec Mounan pour l'acheter à un prix spécifique. Donc, ou même ou pas gain droit venir pour offrir un autre prix. Et c'est même gentou, les on moun allemand de on fille en mariage, et puis il rive nan famille Mounan, et il mande papa fille pour le marier, et puis famille yo accepte elle. Et puis yo mette tête yo d'accord pour un mahar que li pral payer pour fia. Kounya ou même ou vini et puis ou vin offrir fia ou bien famia un mahar qui pi élevé pour ka marier fia. Donc ça sont l'autre bagay qui interdit également parce que un bagay comme ça li pral créer dispute et conflit entre frères yo et c'est peut-être ça prophète la te dit wala yakhtubu ar-rajul ala khitbati akhihi hein là on moun déjà li vini pour mander on fi en mariage et que famille moun nan famille dame nan accepte moun nan et yo mette yo d'accord pour on montant que li pral payer pour mahar pour le mahar et on l'autre moun vini et lui dit moi-même hein ça mon t'ai offert nous moi-même m'a offert nous plus encore hein pour le cas marié dame nan et bah ça il pas correct parce que j'étais déjà accepté on l'autre offre donc nous pas gain droit venir après que mariage là déjà d'accord et puis après ça on venir offrir un autre montant pour venir marier fille. Ben ça li pas permis en islam. Si par exemple moun nan t'est intéressé à fia et puis li vient demander fia pour le marier avec avec lui mais que yo poko bay li en réponse hein yo poko bay li en réponse et yo pas mette yo d'accord sur rien et puis gon l'autre moun qui vient demander madame nan en même temps ça sont l'autre situation ça c'est pas même bagaille. La, mais si moun nan yo te déjà accepté et yo mette yo d'accord pour on mahar et tout ba yo réglé kounyan li même li moun nan on l'autre moun vini li vin offrir on l'autre mahar qui pi élevé pour le ka marier fia donc c'est ça qui interdit dans situation ça. OK donc ça c'est on l'autre exemple et les prophètes l'a dit al muslim akhul muslim hein, le musulman c'est le frère du musulman wa kunu ibadallahi ikhwana prophète l'a dit hein le musulman soyez des frères soyez des serviteurs d'Allah et des frères c'est-à-dire pour nous concrétiser et réaliser cette signification fraternité islamique là et avec tout ça que fraternité islamique là impliquait. Et lui mentionner que le musulman c'est le frère du musulman donc les papes fait injustice dans l'argent li ou pas gain doit faire injustice à l'argent frère ou pas gain doit faire injustice dans honneur li hein ou pas gain doit faire injustice dans famille li ou pas gain doit faire injustice dans rien qui concernait moun nan hein depuis ce frère ou lié ou supposé respecter lui et ou supposé honorer lui et ou pas gain droit faire aucune injustice dans lui-même dans personne lui dans honneur lui dans bien lui dans famille lui ou supposé hein gain on respect et considérer hein mon nom tant que c'est sacré lien et prophète là lui-même lui dit dans hadith là man kanat lahu mazlamatun li akhihi من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان prophète la te rapporté dans un hadith qui ça hadith ça li rapporté par al-Bukhari selon Abi Huraira li di quiconque parmi musulmans qui a un cas en question d'injustice que le fait à frel hein, par rapport à honneur li ou bien n'importe qui l'autre raison d'injustice que le fait à frel, eh bien faut la excuser de freli hein, faut la chercher excuse dans mes freli jodia non monde ça non vie ça avant que la prive au jugement dernier, parce que jugement dernier pas gain l'argent, pas gain dinar, pas gain dirham, pas gain l'or, pas gain l'argent pour réparer erreur ou bien injustice qui t'est faite. Qui gens injustice a réglé au jugement dernier entre croyants yo ou entre musulmans yo, hein? Nous connons qui gens? C'est avec hasanat. Pas bien l'argent qu'a réglé rien au jugement dernier, c'est bon action que nous t'ai fait. On moun te gen doit faire en pile bonne action, mais l'el rive au jugement dernier, li t'ai fait injustice à youn, li t'ai fait injustice à on l'autre, li t'ai fait injustice à on l'autre, li t'ai mangé honneur de on moun, li t'ai parlé nan do on l'autre moun, li t'ai frappé on l'autre moun, li t'ai volé on bien de on l'autre moun. Le la prive au jugement dernier, moun, tout moun ke l'te fait yo injustice, yo pral vin pranan hasanat moun nan. Hein? Yo tout pral vin réparer, hein? Pran compensation pour injustice que yo subi nan men moun nan. Moun yo pral vin y pranan hasanat li. Sa pranan hasanat li. Jusqu'à ce que li pa gen rien encore. Tout bon action que l'te fait nan vie sa. Hein? Kounyan l'paka tourner nan dounia encore pour le faire l'autre bon action. Parce que li mouri, ba yo fini. Et si gen l'autre moun qui gen l'autre injustice que l'te fait yo injustice, mais li pa gen hasanat encore, qui j'en l'pral le fait pour le payer yo? Et ben si l'pa gen hasanat encore, qui sa yo pral faire? Tout péché que yo te fait yo même, yo pral vin mette péché yo nan balance moun nan. Parce que moun nan pa gen hasanat encore pour le payer. Donc qui j'en le pral payer? Hein, kounyan c'est péché moun yo qui pral vin nan balance li. Hein, et puis qui sa ka prive après la pour entrer dans l'enfer à cause de ça. Donc le moun a fait injustice à un autre moun, pas penser hein, si ou même ou fait injustice à un autre monde, pas penser que ou sauvé, pas penser que c'est intelligent ou yé, hein. Gen en pile moun jodi a yo di ah moun sa son nèg hein, li très smart, li très intelligent, hein, ou est ki jan la agi, son moun ki malin, son moun ki intelligent, hein, li ka rusé, hein. Pas penser que ça son intelligence pour de vrai, ça son preuve de stupidité. Là on moun injuste, là on moun rusé comme ça, parce que au jugement dernier, hein, l'a regretté tout ça l'a fait, l'a regretté toute injustice que l'a fait l'autre moun, parce que pas gen on seule injustice qui pral passé. Même si par exemple on moun t'al nan la cour, li t'al devant un juge pour hein pour par exemple pour demander un bagage qui pas dans droit li hein pour prendre bien l'autre monde hein par le tribunal là devant la cour et le juge si juge là li pas juste si juge là li même li pas honnête et li bay moun nan on chose un bagage qui pas appartenir hein, à lui même par exemple li bay moun nan le gain alors qu'en réalité li était dans tort. Eh bien, procès ça, au jugement dernier, Allah a refait encore. Et l'a établi justice là. Pas gain en seule injustice qui pourra le passer au jugement dernier. Même Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire que, un monde qui fait un poids de un atome de bien, les poils, ouais, atome ça, hein, même si c'est un seul on atome on bagaille ou pas même kawel avec Dieu tellement bain en pitié, eh bien Allah a mené au jugement dernier. Et même on a tombe de mal que vous t'avez fait en l'autre monde, ou pral ouel. Hein? Tout bagay a réglé. Pas gain justice qui a passé dans jour ça. Et un musulman, il n'a pas menti à frère, et il n'a pas méprisé frère, il a accepté hein, tout ça qui vient de frère, même si, hein, même si c'est, yani, même si c'est un monde qui, puis bas passé, qui en Bali, hein, par exemple, gain musulman, si y a gain position, si y a gain statut, y a gain importance, et y a pensé que, y a gain doit faire ça y a voulu à l'autre monde. Et puis peut-être que gon l'autre moun on l'autre musulman qui pi ba passé yo parce que yo pa gen position, yo pa gen statut, yo pa gen l'argent. Alors que yo pense que parce que c'est moun parce que moun nan pa gen l'argent, l'elle parler, li pa accepter ça le dit. Hein? Ou bien parce que le pi jeune passé. Ou même c'est petit men, c'est petit moun ouye. Qui pour qui est-ce ou pensez yani ou petit passem ou pas ka di rien hein ou bien yani moun nan li pa gen l'argent ou bien le pauvre ou bien li pi jeune passé et ça son bagay qui nous tande souvent nan culture haïtienne nan les on moun ap di on bagay parce que le pi jeune ou bien parce que c'est petit ou hein? C'est petit tout parce qu'elle dit un bagage même si ça le dit à ses vérités liées mais parce que son c'est petit tout ou pas accepter non ou suppose accepter vérité à de peu importe de qui est vérité a sorti même si mon n'a plus jeune passé ou même si mon n'a plus pauvre passé ou même si mon n'a plus faible passé ou hein? Même si ou même c'est moun ki gen position, statut, importance dans société a. Ou est on moun ki di on bagay ki vrai, ou suppose accepter? Ou suppose accepter même si de parce que c'est vérité. Hein? Donc ou pas mépriser. Ou pas mépriser on moun à cause de situation li. Et n'a terminé avec on parole que prophète la te dit nan discours que le te fait discours d'adieu dernier discours que le te fait nan pendant hajj là hein li dit on parole li dit le jour de Arafat elle a fait khutba hein dans dernier hajj que le te fait li dit inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun كحرمة يومكم هذا وشهركم وشهركم هذا وبلدكم هذا. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit dans le dernier discours qu'il t'a fait, le jour de Arafa, dans le dernier hajj, hajj al-wada, hajj d'adieu, lui dit, sans nous yo, bien nous yo, honneur nous yo, hein, tout ça, bagay ça yo sacré, entre nous-mêmes. Et les sacrés entre nous-mêmes, même gens que jour ça, jour de Arafat sacré, même gens que mois ça, le mois de Dhul-Hijjah, son mois sacré, et que endroit ça, c'est ville de Mecca, c'est les sacrés. Donc, même gens à ville, à moi, à jour, à qui, journée à quitter, en journée sacrée, tout baya ça est sacré, eh bien, sans nous, est sacré. Bien nous yo sacré, honneur nous yo sacré tout. Faut nous respecter. Hein? Et musulman c'est moun ki croit en Allah avant tout. Hein? Et mon frère que m'te connais qui t'est resté Yémen. Li dim, ouais, m'te connais à vivre Yémen et son pays musulman, grand pile musulman, bon, population, c'est population musulmane yo yé. Li dit souvent pas gain électricité hein pas gain électricité et des fois yani ou ka ouais courant coupé bagaille pas gain courant et puis malgré tout pas gain police il dit pas gain policier pas gain rien mais moun a respecté l'autre parce que yo croit en Allah imaginez Si, par exemple, bah, ça t'est qu'on arrivait, par exemple, aux États-Unis, à New York, ou bien en Californie, ou bien dans n'importe quelle autre ville, dans le pays occidentaux, qui est supposé pays civilisé, à Paris, ou bien à Londres, n'importe quel autre pays, si vous voyez que courant coupé, pas de lumière, vous êtes tous sortis dehors, vous commencez à craser tout magasin, vous commencez à voler dans tous côtés, et puis, ça a arrivé même une fois à New York, les policiers ont fait grève. Policiers ont fait une grève et puis courant coupé. Moun yo sorti dans la rue, yo vin dans magasin, yo vin prend tout bagage. Policiers yo crampé, yo wè moun yo a volé, yo pa fan rien parce que yo di nous même nous n'a fait la grève. Hein? Nous pas de travail. Hein? Donc moun yo commencé voler, yo pa yo yani yo prend, yo volé, yo fait tout ça yo vle. Mais si c'était musulman, dans pays musulman que gen police pas gen police c'est même bagay parce que yo connaît que Allah azza wa jalla a gardé yo a surveillé yo et que n'importe qui ça ou ka fait n'importe qui ça ou ka volé hein Allah a wè ou quand même et ou pa ka caché ou avec ça ou prend parce que au jugement dernier ou a gen compte gen compte à rendre à Allah pour ça ou fait. Donc c'est pas à cause de police que ou honnête parce que police a gardé ou paix policier hein ou paix policier donc ou pas pour le voler ou pas pour le frapper ou pas pour le faire ci, faire ça. Non, c'est pas police c'est pas pour policier ou connaît que Allah a surveillé ou Allah a gardé ou hein c'est parce que ou croit en Allah que vous pas désobéir Allah. C'est parce que vous croyez en Allah que vous respectez hein frère ou yo, que vous respectez sœur ou yo, que vous respectez honneur l'autre monde. Hein, que vous respectez bien l'autre monde, que vous respectez vie l'autre monde. Parce que vous connaissez que pour aller un jugement dernier et que chacun d'entre nous pour aller un compte pour nous rendre. Donc n'apprêtez là kounya pour conférence jodi a. Et puis m'espérer que le sujet a été yani, clarifié en pile point que nous avons besoin de comprendre. En tout cas, le sujet a son sujet qui est très vaste. Et malheureusement, je n'ai pas de temps pour clarifier tout point. Yo, mais ça me réussit pour m'expliquer. M'espérer que Allah Azza wa Jal a récompensé pour ça. Puis que la pardonne si me fait une erreur ou bien si me dit un bagage qui faut ala kulli hal aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim wa alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.